Saint-Laurent coule dans mon sang, avec ses beaux poissons dedans. Je nage entre l'eau douce et l'eau salée, entre rêve et réalité. Sur l'autoroute tout en vagues, à marée basse je divague, mais à haute marée me laisse flotter sous le ciel vers la liberté. La marée aux mille vagues berce nos joies et nos peines. J'entends brailler les baleines, leurs voix sont rouges et elles divaguent. La marée aux mille vagues nous porte, porte nos défaites et nos victoires. Chaque goutte d'eau crie quand elle transporte nos déchets toxiques, nos marées noires. Notre fleuve est bien fragile, faune et flore y sont en péril. Il nous faut un autre Noé, mille et mille et mille Noé, pour refaire une santé, une beauté à notre Saint-Laurent. Ta liberté.